がなければこの塔の中にゼルダ姫がいるんだ。早くこのガロンドルフの手下どもを倒さなければゼルダ姫を助け出すことはできない。そればかりか、この世界を邪悪の王ガロンドルフに征服されてしまう。 Vous qui croyez avoir tout vu, vous qui avez voyagé dans Hyrule, je vais vous présenter un homme qui se nomme Ganon. Vous qui trouvez que l'homme est beau, parce qu'il sait bien courber le dos, il n'y a donc point aux normes que le démon Ganon. Bien sûr que si, il peut faire peur, mais ça s'arrête là d'ailleurs. Vous pouvez dormir tranquille ce soir, mais méfiez-vous de ce lascar. Et c'est Ganon, le méchant Ganon, l'être que tout le monde déteste, le seul homme qui vient de l'Ouest. Il veut même tuer notre roi pour pouvoir faire régner sa loi. Mais faut pas croire pourtant qu'il restera là pour longtemps. Mais c'est Ganon, le méchant Ganon. Oui, le venin de la haine coule dans sa vie comme dans ses veines. Bien sûr, on sait qu'il doit mourir, tout le monde le sait, et puis tant pis. Dans notre paradis sur terre, lui seul doit rester en enfer, car c'est Ganon. Vous qui le soir allez dormir, en étant certain d'être à l'abri, ne soyez sûr de personne avec Ganon. C'est vrai qu'il a la puissance d'un dieu, de la triforce s'il est envieux. Il voudrait avoir sa couronne, tu ne l'auras pas, Ganon. Bien sûr que si, il peut faire peur, mais ça s'arrête là d'ailleurs. Vous pourrez dormir tranquille ce soir, mais méfiez-vous de ce lascar. Et c'est Ganon, le vilain Ganon, l'être que tout le monde déteste et qui veut kidnapper la princesse. Il veut même tuer notre roi pour pouvoir faire régner sa loi. Mais faut pas croire pourtant qu'il restera là pour longtemps. Mais c'est Ganon, le vilain Ganon. Oui, le venin de la haine coule dans sa vie comme dans sa haine. Bien sûr, on sait qu'il doit mourir, et c'est ce que voudrait bien Link. Dans notre paradis sur terre, il y a le maître des enfers. Et c'est Ganon, le méchant Ganon, l'être que tout le monde déteste, le seul homme qui vient de l'Ouest. Il veut même tuer notre roi pour pouvoir faire régner sa loi. Mais faut pas croire pourtant qu'il restera là pour longtemps. Mais c'est Ganon, le méchant Ganon. Oui, le venin de la haine coule dans sa vie comme dans ses veines. Bien sûr, on sait qu'il doit mourir, tout le monde le sait, et puis tant pis. Dans notre paradis sur terre, lui seul doit rester en enfer. Ganon, Ganon, oui, c'est lui, Ganon.